L'actualité des sciences avec vous, Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. Ce matin, vous nous proposez un voyage dans le temps et on part sur la piste des Gaulois. Et nous allons à Châtillon-sur-Seine, car la Bourgogne a été un haut lieu de la civilisation gauloise. C'est là que l'on a découvert la tombe d'une prestigieuse princesse qui a vécu il y a plus de 2500 ans. On va en parler dans un instant. Mais là, vous allez faire la connaissance de Félicie Fougère. Elle est la directrice du musée du pays châtillonnais Trésor de Vix. Dans ce musée, une exposition est actuellement consacrée aux torques. Les torques ? Oui, alors que sont les torques ? Les torques sont des objets merveilleux que fabriquaient les Gaulois. Un torque, tout simplement, c'est un collier qui est tordu, d'où le terme torque, enfin un arc de cercle plus exactement. Les torques étaient généralement des bijoux de prestige. La société gauloise ne fait pas tellement de distinction entre hommes et femmes. Le torque est en bronze, parfois plus rarement en or, et il est très souvent orné de motifs décoratifs très très beaux. Les Celtes aimaient bien pratiquer cet art qui mêle le végétal, les animaux fantastiques, les visages. Les Grecs et les Romains racontent que pour récupérer ces torques, les guerriers gaulois n'hésitaient pas à couper la tête de leur adversaire vaincu. Ça veut dire aussi, Fabienne, que les Gaulois et les Gauloises aimaient les bijoux. Et les beaux bijoux, Eric. Il y a deux choses importantes par rapport à ces colliers, ces torques. C'est que d'une part, ils nous ont renseigné très tôt sur l'extrême habileté des artisans gaulois. On pensait que c'était des sauvages, des gens un peu frustres. Et à travers ces torques, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de maîtriser une métallurgie ou une orfèvrerie très très délicate. Et ces objets permettent de caler une chronologie de la civilisation gauloise, qui est bien plus longue que ce qu'on pensait à l'origine, qui s'étend grosso modo du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête romaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie des Gaulois à Châtillon-sur-Seine ? Les Gaulois à Châtillon-sur-Seine étaient vraisemblablement un peuple important, en tous les cas au 6e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'à cette époque-là régnait sur une partie de ce territoire la célèbre Dame de Vix, dont on a retrouvé la tombe en 1953. Donc là, on a des populations qui profitent en fait de la vallée de la Seine et de la liaison qui s'opère dans ces régions-là avec aussi le sillon rhodanien, d'où des échanges à très très longue distance entre la Méditerranée et l'Ouest ou le Nord de l'Europe. Et pour en savoir plus sur ces Gaulois, eh bien on va au musée du pays châtillonnais. Oui, et c'est dans ce musée qu'est présentée cette célèbre sépulture de la Dame de Vix. Cette princesse était parée de bijoux précieux. À ses côtés, on a aussi retrouvé un vase incroyable. La Dame de Vix vivait 5 siècles avant Jésus-Christ. Une princesse donc qui a été enterrée avec un faste fou. Cette tombe est absolument extraordinaire. C'est une des premières tombes de ce type-là à avoir été découverte. C'est une chambre funéraire de 3 mètres de côté à peu près qui comportait un char d'apparat, un grand char à 4 roues tel que les fabriquaient les Gaulois à l'époque, sur lequel était déposée la dame qui était revêtue d'une parure absolument exceptionnelle puisqu'elle a un torque en or orné de petits chevaux, enfin un objet extrêmement précieux. Et dans un coin de cette chambre funéraire se trouvait également un vase tout à fait colossal par ses proportions. Il fait 1,64 m de hauteur, contenant 1100 litres d'un liquide qu'on peut imaginer être du vin mêlé à de l'eau. Et ainsi, cette dame de Vix partait donc pour l'au-delà sur son char d'apparat avec elle l'ensemble des objets qui pouvaient lui permettre de mener la cérémonie du banquet telle que les Grecs la pratiquaient. Le vase est de fabrication grecque. Et ce tombeau est exposé dans votre musée. Je suis, moi, systématiquement frappée par la réaction des visiteurs lorsqu'ils découvrent le grand vase de Vix qui trône au milieu de la salle. C'est d'abord un saisissement, parce qu'on n'imagine jamais qu'il y ait cette présence et cette puissance. Et puis ensuite, tout un moment presque de recueillement devant sa beauté. Voilà, le musée du pays châtillonnais, c'est en Bourgogne, à Châtillon-sur-Seine précisément, et cette exposition sur les torques, hein, donc ces impressionnants bijoux gaulois, c'est jusqu'au 18 septembre.